mesdemoiselles, messieurs. Au nom de Monsieur Joseph Kasavubu, président de la République du Congo, Monsieur Abdoula, premier ministre de la République du Congo, Monsieur Zizenga, vice-premier ministre de la République du Congo, Monsieur Bomboko, ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, Monsieur Ileyo, ministre de l'Information de la République du Congo, et le général Mobutu de l'Armée nationale congolaise, nous vous offrons un cha-cha-cha intitulé Kubaila Begen. Merci. Au revoir. Cha-cha, yeah, Abdoula. Cha-cha, la bergue, cha-cha, yeah, Abdoula. Cha-cha, la bergue.